513, activation, oral. Verb, avoir. Answer according to the example. You hear, 1. Est-ce que j'ai un prénom français? You answer, oui, vous avez un prénom français. 2. Est-ce que Mireille a un prénom français? Oui, elle a un prénom français. 3. Et toi, tu as un prénom américain? Oui, j'ai un prénom américain. 4. Est-ce que le jeune homme a un prénom américain? Oui, il a un prénom américain. 5. Est-ce que la jeune fille a un prénom français? Oui, elle a un prénom français. 6. Et nous? Est-ce que nous avons des prénoms américains? Oui, vous avez des prénoms américains. 7. Est-ce que vous avez des prénoms américains? Oui, nous avons des prénoms américains. 8. Est-ce que les sœurs de Mireille ont des prénoms français? Oui, elles ont des prénoms français. 9. Est-ce que les parents de Mireille ont des prénoms français? Oui, ils ont des prénoms français.